pattes, qui porte cheveux longs, mais roule en terre 4. S'ils regardent le monde d'un œil désabusé, c'est que par leur tignasse, le deuxième est caché. Beatnik d'occasion, révolté de carton pâte, qui porte cheveux longs, mais roule en terre 4. Qu'ils sont là pour refaire le monde. Depuis quelque temps, ils se sont mis à penser. Ils ne devraient pas, ça pourrait les fatiguer. Beatnik d'occasion, révolté de carton-pâte, qui porte cheveux longs mais roulant TR4. Ils en auront marre de la bohème en blue jean, demanderont à père